Rappelle-toi que chacune de la possibilité nous demandée par Allah la chose. Et rappelle-toi le doigt du prophète avec toi, c'est celui qui nous a enseigné donc ce type de d'apostolat. Nous avons cela ce cela par les présents qui nous a appris pour éviter et pour demander pardon à la Azzawajal d'avoir agi de cette façon. On dit Allahumma la khayra illa khayra. Il n'y a pas de bon soutenir au soir Allah. Il n'y a pas d'augure. Allahumma la khayra illa khayra. Il n'y a pas d'augure soutenir au soir Allah. Et la ilaha khayra. On reprend qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc je vous rappelle que le bien provient de lui, qu'on le bien provient de lui. Et s'il y a quelqu'un qui est digne d'être adoré, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon, une manière de demander pardon à Allah. فأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قدرها يا أرحم الراحمين لكل الإخوة الذين يسألون الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يؤتيهم سؤلهم اللهم أتهم سؤلهم اللهم وفقهم اللهم وفقهم اللهم اجمع شملهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اقض حوائجهم كذلك في كتاب رب بارك الله فيكم فاقوم قضي دونك اون دتي دو 102,000 اورو Alhamdulillah, on a acheté le terrain, ce qu'on ne voulait pas du tout, on l'a acheté par les biais de quelques frères qui nous ont prêté de la route. Et donc, Allah, le plus rapidement possible, va à la Tallahoukoum, collecter cette somme pour rembourser ces frères et ces sœurs qui nous ont prêté. C'est vrai qu'au cours de 102,000 euros, ce n'est pas beaucoup. Si on se met tous, et qu'on s'engage tous à participer, c'est pour notre bien et tous. C'est sa sadaqa jariya à travers laquelle on espère une fois de plus auprès d'Allah Azza wa Jalla gagner sa miséricorde et sa sainteté. On va contribuer tous à la construction du monde. Pour le Coran et le Hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu, kayfan fil jannah. Celui qui œuvre pour la construction du monde, qui est une demeure dans la vie de ce monde, Allah Azza wa Jalla lui construira une demeure dans le delà. Tabarakallahu fikum, la tabqalu ala anfusikum. قدموا ما تقدموا فإنما تقدموه لأنفسكم أسأل الله العلي القدير والأمور توفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم سووا فإن تسوية الطرف من تكرار الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم